Dimanche à Bamako, mais si ce n'est pas là, hey. Si ce n'est pas ce que tu voulais, désolé bébé. C'est comme ça, aucune meuf sur terre ne pourra me changer. Tu n'es pas la première personne à avoir essayé. Pardonne-moi si j'ai une personne trop dure à aimer. Viens poser tes fesses, comme dans la caisse. Vas-y, on se casse, mets ta ceinture, c'est ta crash test. Main sur sa cuisse, automatique, je passe pas les vitesses. J'accélère, on a la tête posée sur la futaie. Toute la nuit, les pneus brûlent sur la route 66. Inconscient, on a pris le volant sous drogue et tease. Accélère, accélère, me dit ma montre suisse. Ratons pas la cérémonie devant Elvis. Je ne te veux pas devant le pasteur, devant l'imam ou dans.